Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission El Banger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble en pas direct, une nouvelle émission en différé. 460e émission El Banger ce soir, avec ma foi pas mal de nouveautés, encore une fois en ce mois de janvier 2022. Pêle-mêle, nous aurons les Français de Pensée Nocturne, de Céleste, les Oldies de Tokyo Blade, les Brutas Américaines de Nephrectomy et quelques autres nouveautés que l'on parsèmera tout au long des 2 heures qui nous attendent ensemble. On va attaquer directement avec Malefic Throne. Ouverture avec une nouveauté ce soir dans l'émission. Malefic Throne, c'est un All-Star Band qui nous vient des US. On est sur du death légèrement black end, avec un bassiste-chanteur, monsieur Steve Tucker, bien sûr, de Morbid Angel. Le guitariste Jenny Palubicki, ex-membre de Angel Corpse, et le cogneur, monsieur John Longstraint, qui martèle les kits chez Origin et Hate Eternal. Ils sortent là un premier effort studio sous forme d'un EP 4 titres, incluant une reprise de Sodome. C'est brutal, c'est frontal, c'est assez tech en même temps, sans être trop démonstratif. Et c'est vraiment la parfaite alchimie de l'association de ces trois icos hyper expérimentés de la scène extrême américaine. Et en doublette avec Malefic Throne, on va s'écouter Witch Dude, Vic Dude, comme vous voulez, le groupe de Black venu de Belgique. There is always blood at the end of the road, c'est l'un de leurs nouvel effort studio déjà dispo chez Century Media. A noter que le titre de ce soir, c'est un morceau en français, Noblesse oblige, richesse oblige. Et juste avant ça, donc l'ouverture, Malefic Throne, extrait de leur tout premier EP éponyme, une sortie L7 Monger Records, prévue le 28 janvier, une avant-première donc en plus. Et on s'écoutera le titre Deciding the Hierarchy. Bienvenue dans l'émission, et c'est parti. Exposed. Pour la doublette suivante, nous aurons tout d'abord Fortress, ce très très bon groupe de revival venu des États-Unis, la formation californienne qui nous balance un heavy bien rétro et surtout bien catchy mid-80. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Fortress? On l'a déjà pas mal présenté, ce nouvel album, il s'intitule Don't Spare the Wicked. Il est déjà disponible, on va s'écouter le morceau Find Yourself. Et ensuite, le groupe venu d'Australie, Nocturnal Graves, qui compte dans ses rangs deux ex et ou actuels Destroyer 666. On est sur du Thrash Death Blackizan, qui sort son nouvel effort studio, le quatrième chez Season of Mist. Voilà, là où on va dire Destroyer a pris un virage un peu plus heavy. Quoique très qualitatif, Nocturnal Grave reste vraiment dans l'extrême bête et méchant. An Outlaw Stands, c'est le nom de ce quatrième effort studio. Et on s'écoutera le morceau No Mercy for Weakness. C'est parti. Beneath the mask that hides your eyes, Semblant de ralentir le tempo avec la formation madrilène Tundra, le groupe de post-metal Instru sort là son 7e effort studio, 7e album pour la formation instrumentale, un peu dans la veine d'un Year of No Light. Tundra, l'album, on l'a déjà pas mal présenté, il s'intitule X, on va s'écouter le titre Rinas, et dans la foulée Funeral Mist, le groupe le side project de Mortus, de Marduk Deiform, c'est le nom de ce très très très très bon nouvel album de Black 100% suédois, et on s'écoutera le titre In Here. C'est parti, Tundra, Funeral Mist. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Béton sur les ondes du 93.6. On est en pleine émission Hellbanger. Le rendez-vous métal du dimanche soir donc sur les ondes de béton. On est ensemble presque en direct jusqu'à 23h. Et pour la doublette suivante, on va s'écouter un titre du nouvel album de Fatuous Romp, ce très très très bon groupe de Brutal Slam Death qui nous vient de Taïwan. Ils sortent là du coup le quatrième effort studio. Le line-up a un peu évolué hein, au courant de l'année 2020. Larry Wang, le vocaliste, a intégré un nouveau guitariste. Et il s'octroie maintenant les services d'un véritable batteur, ce n'est plus sur boîte à rythme. Et ce nouvel effort studio, encore une fois, hautement qualitatif, avec quelques guests plutôt cool, s'intitule Perception of the Dark Ornament, une sortie Lacerated Enemy Records. Et je parlais des guests, ce soir on s'écoutera le titre Tank Download to Chang, avec en duo Monsieur Angel Ochoa, qu'on ne présente plus, Abominable Putridity, Disgorge et Condemned. Voilà pour le pédigré du bonhomme. Et en doublette avec Fatuous Romp, Tokyo Ballad, le vieux groupe de heavy anglais formé au début des années 80, qui vient de sortir là son 11e effort studio. C'est du heavy qui reste plutôt solide, bon, gravé dans son époque, hein, mais bon, sachant que les mecs, ils ont quand même tous la soixantaine, ça fait pas du tout dépasser, ça reste bien catchy et inspiré, et à noter que la basse sonne particulièrement proche de celle de Steve Harris de Maiden. Voilà, Tokyo Blade, l'album s'intitule Fury, et on s'écoutera le morceau I Am Unbroken. C'est parti, Fatuous Romp, Tokyo Blade. Sure. La doublette suivante va nous permettre de présenter une autre nouveauté, puis de basculer dans l'aspect française. Nous aurons tout d'abord Ochigo, groupe de death avec quelques influences trash qui nous vient de Singapour. La formation est active depuis 2004, ils sortent là leur cinquième album. On est sur quelque chose donc de death légèrement trash, bien frontal, bien direct. Et un petit côté moyen-oriental, oriental dans les ambiances et dans les riffings. Le groupe a fait appel à un batteur de session pour cet album. Et il ne s'agit ni plus ni moins que du polonais Christophe Klingbeil, qui a notamment été le cogneur de session du dernier Abyssal Ascendant. Voilà, le très très bon groupe de Lovecraft Death français. Et depuis assez peu de temps, il est également session live chez Vader. Voilà donc pour Ochigo, une autre nouveauté qu'on vous présente ce soir dans l'émission. L'album est déjà disponible, il s'intitule Yajalut, on s'écoutera le titre Clerics of Corruption. Et on attaque tout de suite l'aspect française avec Pensée Nocturne. Et je vais pas en dire trop sur le groupe français, puisque je pense que dans les semaines à venir, on aura droit à un magnifique focus dispensé par l'ami Thibaut. À savoir que l'album vient juste de sortir le vendredi 21 janvier, et c'est le septième album de la formation. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Déglingo black metal français, peut-être, mais. Thibaut en parlera beaucoup mieux que moi. Le tango du violoniste, c'est le titre qu'on va s'écouter tout de suite ce soir, extrait de leur nouvel effort studio Douce Fange, déjà dispo donc chez les Acteurs de l'Ombre. C'est parti. Yeah! et compter jusqu'à 10, terminé. Pour la belle droite de Gérard Chollet, elle était magnifique, très pure. Allez, pile, ah oui, jolie, plein de menton. Oh, elle est très très belle. Elle est assez magnifique. Mais aujourd'hui j'y suis. La vie est comme ça. La vie, il faut la prendre comme elle est. Faut la prendre comme elle est, c'est tout. Le reste, s'en fout. Mamma mia, c'est toute ma vie. Mamma mia, c'est toute ma vie. Ma vie. Comme vous l'avez probablement entendu au début de l'émission, une spé française riche et bien chargée, puisqu'après la nouveauté Pensée Nocturne, une autre nouveauté locomotive céleste, la formation lyonnaise qui voilà son nouvel effort studio prévu le 28 janvier, sortir sur le monstre, ex-monstre allemand Nuclear Blast. Voilà, le sixième album studio qui n'est pas sorti cette fois chez De Novali Records, où ils sont depuis leur début, mais bien donc chez Nuclear Blast. On est toujours musicalement sur ce black and post-hardcore avec des gros relents sludge avec les textes en français. Pareil, ça je pense que Thibaut nous en parlera dans les semaines à venir. Ce nouvel effort studio s'intitule Assassin et on s'écoutera le titre Des Torrents de Coups. Et en doublette avec les Lyonnais de Céleste, les Bordelais de Indigo Raven, ce groupe de doom incantatoire, Looking for a Transcendence, le nom de leur nouvel et premier effort studio. On s'écoutera le titre Nightshade Winds. C'est parti.